was only 16. With a fiver in my pocket and my old dancing bag, I went down to the deli to check out the scene. But I soon ended up upon the old main drag. There the he-males and the she-males paraded in style, and the old man with the money would flash you a smile. In the dark of an alley, you would work for a five, for a swift one, not the rest, down on the old main drag. In the cold winter nights, the old town, it was chill. But there were boys in the cafes who gave you cheap pills. If you didn't have the money, you could join and you'd beg. There was always lots of chewing all on the old main drag. One evening as I was lying down in Leicester Square, I was picked up by the coppers and kicked in the balls. Between the metal doors at Vine Street, I was beaten and mauled, and I ruined my good looks for the old main drag. In the tube station, the old ones who were on the way out would dribble and vomit and grovel and shout. And the coppers would come along and push them about. And I wished I could escape from the old main drag. And now I am lying here, I have had too much booze. I've been spat on and shat on and raped and abused. I know that I am dying, and I wish I could beg for some money to take me from the old main drag. And Richard Tauber are singing by the bed. There's a glass of punch below your feet and an angel at your head. There's devils on each side of you with bottles in their hand. You need one more drop of poison and you'll dream of foreign lands. When you pissed yourself in Frankfurt and got sipped out in Cologne, and you're at the rattling deck trains as you lay there all alone. Frank Ryan bought you whiskey in a brothel in Madrid, and you text some fucking black shirt who was cursing all the yids. And a sip it up, Coot Cullen, well, kneel and say a prayer, but a ghost are rattling at the door and the devil's in the chair. They used in tavern, you screamed it was your shell, but I wouldn't give you service, so you kicked the windows out. They took you out into the street, kicked you in the brains, so you went back in through a bolted door and did it all again. And a sick bit of Coot Cullen will kneel and say a prayer, and the ghosts are acting at the door, and the devil's in the chair. Hey! Remember that foul evening when you heard the banshees howl? There was lazy, drunken bastards singing Billy in the Bell. They took you up to midnight mass and left you in the lurch. So you dropped a button in the plate and spewed up in the church. Song of liberty for blacks and packs of jocks, and I'll take you from this dump you're in and stick you in a box. Then I'll take you to Fort Prior and shove you in the ground. We'll stick your head back out and shut, we'll have not around. At the graceland of Cuchullin, we'll kneel around and pray. And God is in his heaven, and Freddy's down by the bay. Avec les grands artistes, c'est qu'on n'a pas besoin de les présenter, qu'on les reconnaît tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs, quasiment de 19h à 20h30. Et on ne pouvait pas commencer cette émission sans un hommage à cet immense artiste qui vient de nous quitter, qui s'appelle Sean McGovern, qui était le chanteur des Pogues. Vous l'avez reconnu immédiatement à sa voix complètement déglinguée, à la fois irlandaise, mais avec cet accent de l'Angleterre du nord de Londres, puisque c'est là où il a vécu une bonne partie de son adolescence. Voilà, résumé Sean McGovern, on pourrait le résumer comme l'a fait Nick Kent, un journaliste qui a dit que c'était un délicat mélange d'aristocrate et de crétin et de dandy et de dadais. Bah, c'est bien plus que ça, c'est un grand songwriter. Alors bien sûr, moi il a bercé mon adolescence, j'ai beaucoup écouté les albums d'époque, et surtout le deuxième dont sont extraits les deux morceaux qu'on vient de se passer, The Old Man Drag et The Sick Bed of Cuchullin. Cet album s'appelait Rome, Sodomy and the Lash, et c'est vraiment un chef-d'œuvre planté au milieu d'une médiocrité ambiante dans les années 80, un album qui a accompagné toutes mes années de lycée et du début de la fac. Alors à l'époque, ça nous est bien marré, Sean McGovern avec sa tronche incroyable, avec sa dentition qui ferait saliver n'importe quel orthodontiste, avec ses postillons et son rire improbable. Mais Sean McGovern, c'était bien plus que ça. Il a réussi à mettre la musique traditionnelle irlandaise au centre du monde, un peu comme l'avait fait Bob Marley avec le reggae. Il a mélangé parfaitement le punk, puisque c'en était un, avec la première fois qu'on l'a vu, comme nous l'avait rappelé Sylvain Trémaux, c'était sur une photo de journal d'un concert des Clash quand il avait 19 ans, où il s'était fait arracher l'oreille par une fille qui l'avait mordu à l'oreille, et donc il était à la une du journal. Et ensuite il a créé donc ce groupe, les Pogues, qui veut dire, c'est Pogues Mahone, hein, le titre du groupe normalement, qui veut dire, si tu veux, n'hésite pas à venir m'embrasser le postérieur, pour rester poli. Eh bien, il a réussi à concilier le punk et la musique traditionnelle irlandaise qui lui était chère et dans laquelle il a baigné toute son enfance. Une enfance à la fois heureuse et compliquée, puisqu'il a été alcoolique, alcoolisé par ses parents, et devenu alcoolique dès l'âge de 4 ans. Et il n'a jamais cessé de l'être, ça l'a vraiment bousillé. Il a quitté les Pogues à cause d'addiction en 1991. Il a créé un autre groupe qui s'appelait les Pops. Mais vraiment, on s'en souvient surtout avec les Pogues, qui était même complètement bourré sur scène. Il était un showman, et puis surtout des textes et une voix incroyable qui chante faux, mais qui chante tellement juste l'Irlande. En 2018, un hommage lui avait été rendu, où il était déjà très diminué, puisque depuis 2015, dans une chaise roulante, par tout le gratin. Sinéad O'Connor, Nick Cave, Johnny Depp, Glenn Hansard, Bono, tous étaient là pour lui dire à quel point il l'aimait. Alors on sentait bien que ça allait tourner un peu vinaigre, hein, si vous avez vu le très beau documentaire de Julian Temple qui lui est consacré, où il apparaît à la fois touchant et insupportable. Il est déjà en très très mauvais état. Mais les Pogues, c'était autre chose à l'époque, et il y a un très bel hommage de Maria McKee, la chanteuse de Lone Justice, qui avait chanté avec lui sur scène, qui disait à quel point c'était un gentleman. Donc voilà, replongez-vous dans la discographie des Pogues, et en particulier sur les trois premiers albums, et en particulier les deux premiers. C'est vraiment vraiment génial, et c'est pas un hasard si au moment où il a été évacué des Pogues parce qu'il vraiment il ne tenait plus debout, c'est Joe Strummer, le chanteur des Clash, qui avait accompagné les Pogues sur toute la tournée, et le cousinage au niveau de la voix et de l'attitude est assez évident. Donc voilà, un grand monsieur de la musique qui vient de partir. On essaiera de se repasser en clôture d'émission peut-être son Dirty Old Town, qui reste le gros tube d'époque. Vous êtes dans The Rocks, j'en suis ravi, j'espère que vous le serez aussi, avec une émission plutôt guitare au début, et qui va par la suite devenir un petit peu plus tranquille, comme j'ai coutume de le faire parfois. On va se démarrer l'émission avec un groupe formé à Londres en 2004, il s'appelle The Riffles, et on va commencer avec The Kids Want Stop. Un petit peu d'oiseau pour nous faire regretter le printemps déjà loin, ou déjà loin devant nous ou derrière nous. Et puis ensuite, ça démarre. Vous êtes dans The Rocks, je m'appelle Manu, je vous souhaite une bonne soirée. Life used to be easy. We had time to dream and time to dare. No limitations and no world out there. But you lose the clout and the wheels come off with the wear and the tear. but don't cry your heart out, 'cause nobody cares. You can't shut it out, put it down, no, you can't turn around. Just breathe it in and count to ten. À l'instant, dans The Rock, c'était les vétérans de Guided by Voices, le groupe de Robert Pollard, en activité depuis 1983 aux États-Unis, avec un line-up qui a changé très très souvent, mais avec une qualité musicale qui est restée assez admirable. Local Master Airplane. Et puis juste avant, c'était le coup de cœur avec The Riffles, The Kids Won't Stop. On va vous emmener. Alors maintenant, je vais vous faire écouter quelque chose qui s'appelle The Roots. Si vous ne connaissez pas ce groupe, vous allez pouvoir penser que c'est un groupe, un groupe des années 60, anglais. Eh bien pas du tout, c'est un groupe des années 2023 et ils viennent du Japon, mais vraiment c'est à s'y méprendre. Train of Souks, ce sont donc les Japonais de The Roots qui font une petite fixette sur la British Invasion, et mais ils le font très très bien, et c'est maintenant. Dream. could be so true. Now I never knew that the feeling was true. You know I never knew. À l'époque de la Britpop, vous vous souvenez, dans les années 90, quand on nous demandait si on était Oasis ou Blur, et ben moi je répondais que j'étais Kool & Shaker, et ben je le suis toujours. Alors j'étais un petit peu Oasis et un petit peu Blur aussi quand même, mais Kool & Shaker était un groupe qui est vite tombé dans l'oubli après un grand succès sur leur premier album qui s'appelait K, et avec ce groupe de Crispian Mills que j'ai eu la chance de voir sur scène, et ça m'avait un peu foudroyé à l'époque, ils étaient très très très bons. Et bien ils reviennent toujours et encore avec des albums qui sont toujours aussi bons, et là c'est leur dernier single. Ça s'appelle Indian Record Player, avec toujours cette joie de jouer. Alors les barbes sont un peu plus blanches et les rides un peu plus creusées, mais en tout cas ils le font encore bien. Et juste avant c'était The Roots, les Japonais, avec Train of Souls. On va continuer encore avec une nouveauté, beaucoup de nouveautés ce soir dans The Rocks. Vous en avez l'habitude, hein, c'est un peu le but de l'émission. Alors quelques vieilleries de temps en temps, mais surtout, surtout de la nouveauté, madame, de la nouveauté, de la belle nouveauté. On va continuer avec Scrizzly Adams. C'est un groupe du New Jersey. On parle beaucoup de groupes du New Jersey ce soir. Bah, ça sera encore ces dernières semaines. Ce sera encore le cas ce soir. Une nouveauté, ça s'appelle Out of Towners, et ça continue comme ça. Walk for miles and all the feel these streets are real. And every mother's daughter deserves a life she'd kill. For it's coursing through her veins. She wants what's hers against the will. Cause the first thing Monday morning we all feel it. And a woman on her own ain't twice as weak. She said I don't give a damn, she's gotta steal it. Oh, she said I pray my girl is twice as man as me. Oh, she said I pray my girl is twice as man as me. Well, I came to a city mid-October. Still decades left of progress underway. She said, don't you let the absence of a father have my daughter go and make her mom's mistakes. Cause first thing Monday morning we all feel it. And a woman on her own ain't twice as weak. She said I don't give a damn, she's gotta steal it. Oh, she said I pray my girl is twice as man as me. Oh, she said I pray my girl is twice as man as me. She said I don't mind, I can only try. Things will always pan out like they do. You came just in time to watch it all unwind. Cause I can't stop my daughter's life from being just like mine. But I know first thing Monday morning she's gonna feel it. And a woman on her own ain't twice as weak. She said I don't give a damn, she's gotta steal it. Oh, I hope she prays her girl is twice as man as me. Oh, I hope she prays her girl is twice as man as me. Un de mes grands coups de cœur de ces dernières années à l'instant, c'était Woods avec le morceau Whip. Voilà, ils sont voisins hein, des Skridley, de Skridley Adams qu'on a entendu juste avant avec Out of Towners. Lui était de New Jersey, bah eux les Woods sont de Brooklyn. Ils sont formés en 2005 et puis il y a cette voix du chanteur qui s'appelle Jeremy Earl qui est vraiment reconnaissable entre toutes avec cette double prise de voix hein, comme nous l'expliquait Sylvain la semaine dernière, Sylvain Trémaud des Sequoia Fever dans une émission que je vous conseille de réécouter sur le site ontherocks.net, cette petite battle spéciale Burn dans le potage. Eh bien voilà, Woods, c'est un groupe à la fois aérien et extrêmement efficace que j'adore et ils n'ont pas fait de mauvais albums non plus ceux-là. Ils se perdent pas dans des grands morceaux psychédéliques, ça pourrait leur pendre au nez vu le style de musique qu'ils font. Eh bien non, ils restent assez concis et assez mélodiques. Vraiment un très très bon groupe à découvrir si vous ne les connaissez pas encore. On reste dans le New Jersey avec encore une nouveauté, ça s'appelle Real Estate et le morceau c'est Water on the Ground dans The Rocks. There is a rock'n'roll bien juteux comme on en entend depuis plus de 30 ans dans The Rock. C'était Blue Lucy à l'instant, Blue Lacy, une nouveauté, Last Year in Amsterdam. Eh bien, le titre est un peu trompeur puisque ça ne nous vient pas des Pays-Bas, tout ça. Ça nous vient d'Adélaïde. Et puis, juste avant, c'était Real Estate avec Water on the Ground. Allez, on va se diffuser encore une nouveauté avec quelqu'un qui est un peu agaçant parce que non seulement il est beau gosse, et ça c'est agaçant. Il est beau gosse, mais en plus il fait de la musique qui est hautement recommandable. Il s'appelle Haron Taos, c'est le morceau qui s'appelle Tell Me About It, et c'est dans The Rocks. Bon, alors ça, forcément, ça vient pas de chez si. Hein. On sent bien que ça vient d'un peu plus loin. C'était le groupe de rock sudiste, vous aviez compris, états-unien, qui s'appelle Blackberry Smoke, et le morceau Hammer and the Nail, c'est encore une nouveauté. Juste avant, c'était Aaron Taus avec Tell Me About It. Est-ce qu'on va se calmer un petit peu, là, dans The Rocks, déjà? Eh ben oui, un petit peu, déjà. Avec un extrait du dernier album de Sujvan Stevens, grande influence de Caméléon, qui est venu jouer il y a quelques semaines ici, dans les studios. Sujvan Stevens, qui n'a pas non plus, lui, déçu dans sa carrière, et ses derniers albums confirment tout le grand talent de ce monsieur, à la fois adepte de folk, song assez épuré et ciselé, et puis de boucles un petit peu dans les mélodies, comme ça, qui ça rapproche un peu d'une autre de ses passions, qui est la musique expérimentale. Et bien, il revient donc avec cet album, avec chargé de chœurs féminins un peu amples, comme ça, qui montent au milieu du morceau, très produits, qui peuvent rappeler parfois certaines envolées de Vampire Weekend sur leur dernier album studio. Voici Genuflecting Ghost, c'est Sujvan Stevens et c'est dans The Rocks. Scratch from my head. 20 ans tout juste sortait un album majeur de l'histoire du rock, c'était l'album des Belges de Girls in Hawaii. On avait eu la chance à l'époque de les voir jouer sur scène cet album, et bien figurez-vous que pour fêter les 20 ans de cet album, le groupe dans sa formule actuelle revient et rejoue l'intégralité de son album dans une tournée qui est déjà complète à peu près partout. Il reste quelques places pour le concert de samedi soir à l'Astrolabe d'Orléans. Mais en Belgique c'est complet partout, à Paris c'est complet. Et ben voilà, j'aurai l'honneur et l'avantage, merci beaucoup à l'Astro et à Mathieu Dufaux, de m'avoir choisi pour mener la masterclass qui aura lieu avant le concert. Ce sera à la médiathèque d'Orléans à 18h30. Le journaliste qui bégayera en posant ses questions, ce sera moi. J'espère que les questions ne seront pas stupides. Et les Girls in Hawaii seront là pour y répondre devant vous, le public. C'est gratuit, vous êtes bienvenus à la médiathèque d'Orléans à partir de 18h30, donc samedi prochain. Et puis s'en suivra un concert à l'Astrolabe où ils joueront donc l'intégralité de cet album plus quelques autres morceaux dont le fabuleux Mrs. Et puis je crois qu'il y a un morceau inédit, mais ça on aura l'occasion d'en reparler avec eux lors de cette masterclass. Donc rendez-vous 18h30, médiathèque d'Orléans, avec les grands Girls in Hawaii pour une petite masterclass qui durera 45 minutes à peu près. Et c'est un grand grand bonheur de les voir revenir. Voilà quelqu'un qui revient lui aussi avec un nouveau morceau. Et lui, contrairement à certains qui déclinent, lui n'a jamais aussi bien chanté. Il s'appelle Bonnie Prince Billy. Le morceau s'appelle Keeping Secrets Will Destroy You et je suis assez d'accord. Voici donc la nouveauté de Bonnie Prince Billy qu'on a toujours plaisir à retrouver. Just relax. and half close your eyes. Tell me what's wrong with me. Say it in a clear, cold whisper. How can I grow old if I don't know? Are you afraid to sing it? How can I grow? but here I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. For all I've done, for want of magnifique réussite que ce morceau que je dédie à ma meilleure copine du monde, Duduche, puisque c'était les Boy Genius, ce trio féminin absolument fabuleux qui est en train de tout rafler aux États-Unis et que je me damne encore de ne pas avoir vu à Rock en Seine lors de leur dernier passage. Ils s'étaient accoquinés sur ce morceau avec Ye Vagabonds, groupe d'Irlande, pour une reprise, un duo irlandais, pour une reprise de cette musique traditionnelle irlandaise en hommage à Sinead O'Connor. Et le morceau s'appelle The Parting Glass. Et c'est vrai que l'Irlande vient de perdre deux de ses plus grandes icônes. On aurait pu penser que c'était Sinead O'Connor qui, au début de sa carrière, allait être la plus consensuelle et Sean McGovern le plus punk. Eh bien, c'est l'inverse. À sa mort, Sean McGovern, tout le monde l'adorait. Et Sinead O'Connor, il a fallu qu'elle meure pour que tout le monde l'adore, parce qu'elle, à force de polémiques et de clash et de buzz, eh bien, elle était devenue un petit peu infréquentable pour certains. Mais elle reste une immense artiste, et c'est ce qu'ont bien compris Boy Genius et Ye Vagabonds, qui lui rend hommage dans ce Parting Glass que je trouve magnifique. On va continuer justement avec des petites reprises, une petite reprise, et cette fois c'est Lévi de François, François de 16 Pack, qui m'a fait l'amitié de m'envoyer son dernier album entièrement ukulélé, Et sur cet album, il y a un morceau qui est une reprise de Bob Dylan. Et si ça vous dit quelque chose, c'est que vous avez écouté l'émission des 30 ans d'On The Rocks, diffusée l'année dernière, à peu près à la même époque. Je vous conseille vraiment d'aller écouter cette émission des 30 ans qui est toujours sur ontherocks.net avec des reprises absolument fabuleuses. Et parmi ces reprises, il y avait ce Knocking on Heaven's Door de Robert Zimmerman, Bob Dylan, repris ici sur son album, donc par Lévi de François. Gather from coincidence. blankets from the floor. For now, baby blue. Ce sera peut-être celui-là, l'album de Cat Power qu'elle a enregistré au Royal Albert Hall. Je crois que c'est au Royal Albert Hall, oui, c'est ça, où elle reprenait l'intégralité du concert de 1966 de Bob Dylan dans l'ordre avec les mêmes morceaux et avec son filtre à elle, absolument somptueux, absolument magnifique. Alors, ben voilà, j'ai eu un petit coup de comme ça et un petit coup de l'autre côté puisque j'ai appris qu'elle envisageait d'abord de rejouer dans quelques endroits, rares endroits, ce concert justement dont est tiré cet album et dont est voilà ce morceau figure sur cet album. J'ai oublié de désannoncer, le morceau s'appelait, il faut que je retrouve vite, ça s'appelle It's All Over Now Baby Blue évidemment. Eh bien elle va rejouer cet album et justement ce concert dans son intégralité deux fois en France à quelques jours d'intervalle. Ça sera au Folies Bergère, qui est une des plus belles salles de Paris, fin avril, et au Printemps de Bourges, elle le jouera. Donc je me dis, super, super, je vais aller voir un des deux. Eh bien, je ne serai pas là. Je serai à l'autre bout du monde, hein, pour la bonne cause, mais je ne serai pas là. Donc si vous pouvez aller voir ça, je sais que Louis-Arthur, alias Fred Salé, y va. Ça va être vraiment un très, très grand moment. Et cet album de Cat Power est magnifique, et les chansons de Bob Dylan n'ont jamais aussi bien sonné. Et puis juste avant, c'était Lévi de François, mon copain, avec Knocking on Heaven's Door. Eh bien, puisque je sais que la Catou écoute ce soir, eh bien, le morceau que je devais diffuser à la fin, ou plutôt l'enchaînement des trois morceaux, eh bien je vais les diffuser maintenant. Comme ça on sait jamais, si elle est ensuite écrasée sous une armoire normande ou enlevée par des extraterrestres, eh bien elle pourra toujours en profiter. Figurez-vous qu'il y a quelques années, Pierce Faccini non seulement a donné une interview fabuleuse dans On The Rocks et un morceau live rien que pour nous que vous pouvez retrouver sur ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale, mais Pierce Faccini avait sorti The Songs I Love, un recueil de avec dans un très très beau livret de chansons qu'il aime. Alors ça allait de reprises de Lassa au Smith à la Clairefontaine, et il peignait également, puisque c'est un artiste peintre Pierce Faccini, en plus d'être un artiste vocal et musicien absolument fantastique, eh bien il peignait donc un portrait de chacun et de chacune dont il reprenait les morceaux. Eh bien, il revient avec un volume 2 qui est annoncé. Là, ça ferait un beau cadeau de Noël. Hein. Je ne sais pas si ça sera sorti à Noël. Pierce Faccini, donc, et un morceau annonciateur de cet album et de ce coffret magnifique, c'est le Road de Nick Drake. Alors, on a toujours, évidemment, j'en parlais avec Olivier Adam, Mais ça fait classe, hein. Mais c'est vrai que j'en parlais avec Olivier Adam hier, qui disait que on a toujours entendu du Nick Drake dans les morceaux de Pierre Sacchini, certes, mais là dans cette reprise, il arrive à en un morceau à synthétiser ce qui fait sa singularité depuis des années, c'est-à-dire un mélange de folk à la Nick Drake et de musique qui nous viennent d'Afrique avec sa guitare un petit peu comme ça de blues africain, soit arabe, soit d'Afrique centrale et bien du Mali. Il revient donc avec ce morceau qui s'appelle Road, où le mélange des deux est absolument parfait. Et puis puisque ça fait du bien d'entendre des morceaux de Nick Drake, une reprise juste derrière, cette fois Karen Ann, que non seulement j'ai eu la chance d'interviewer et que vous pouvez retrouver dans l'onglet émission spéciale d'On The Rocks, belle interview aussi de Karen Ann il y a quelques années de cela, et bien elle reprend I Was Made To Love Magic, et puis comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et bien il y aura le vrai Nick Drake qui chantera Day Is Done juste après. C'est parti, Nick Drake x3, et d'abord la version de Pierce Faccini, c'est une nouveauté toute chaude, je l'ai mis à la fin de l'émission parce que je l'ai perçu quand j'avais commencé à préparer le début de l'émission. Voilà, ça y est, c'est fait, je dédie ces trois morceaux à la Catou et à la Duduche à nouveau. Never. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many years ago. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many years ago. De Nick Drake, encore avec trois morceaux de Nick Drake, donc Road par Pierce Faccini, un petit souvenir avec I Was Made to Love Magic de Karenan, et puis un vieux souvenir, le vrai Nick Drake, le regretté Nick Drake qui n'a livré que 3 albums avant son suicide, Days Is Done. Alors on va continuer comment, parce que là du coup j'ai mis le bazar dans mon émission pour faire ce petit cadeau à la Catou. Comment on va faire? On va se passer un extrait du dernier album, en tout cas un morceau très récent de Stu Larsson, ce guitariste absolument subtil et chanteur pas moins subtil, qui sort des albums régulièrement et qui ne déçoivent jamais non plus. Running Out of Time, c'est le nom de son dernier morceau. Et ben c'est maintenant. Since that day when we first spoke on the telephone, it's hard not to see where this might go. I felt it way back then, you know I feel it still. And if it's up to me, you know I always will. But you're gonna take that job and then we'll figure it out. Life ain't gone away, we gotta live it now. We're running out of time, my love. We're running out of time, my love. Years keep rolling on like a freight train. playing the guitar, 'cause it seems to somehow work for us so far. And I know you miss your mom, sure as hell I miss my dad. But now we gotta live the life that they can never have. We're running out of time, my love. We're running out of time, my love. Years keep flying by like a jet plane. We're running out of time. We're running out of time. We're running out of time. The cancer went away, then it came right back. And I'm staring in the mirror, but I don't know who I'm looking at. We saw the thousand sunsets, we said that we were gonna see. Just give me one more before surrendering. We're running out of time, my love. We're running out of time, my love. The years have disappeared like a hurricane. We're running out of time, my love. We're running out of time, my love. Over and over and over, now we'll do it again. Out of time, my love. But it's time the open door. Or is it the cage? I'm leaving. Walk it back again. You know it's been a long time coming, but I'm gonna miss you. I don't know. before I had to believe it. Oh, I won't be back again. Oh, you know it's been a long time coming, and I'm gonna miss up in the end. I won't be back again. Oh, but you know it's been a long time coming, I'm gonna miss up in the end. Voilà encore un morceau très trompe-l'œil, puisque ce groupe The Tescape Brothers, avec ce I'm Living, on a l'impression qu'il date là, et que ça a été enregistré à la Motown avec deux frangins noirs de peau. Eh bien non, leur peau craint le soleil, ils doivent se mettre pas mal de tartines de crème lorsqu'ils sortent dans les rues de Melbourne, puisqu'ils sont blancs et ils vivent en Australie. C'est absolument fabuleux. Ça s'appelle The Tescape Brothers. Tout est comme ça, si vous aimez ce style. Et puis juste avant, c'était Stu Larsen avec Running Out of Time. Je vous rappelle que samedi, je vous donne rendez-vous à la médiathèque avec l'Astrolabe, en collaboration avec l'Astrolabe, qui m'a choisi, et je l'en remercie. Je les remercie encore une fois, à 18h30 à la médiathèque d'Orléans pour une masterclass. En tout cas, une petite réunion publique avec les membres de Girls in Hawaii pendant 45 minutes pour les cuisiner un peu sur cette tournée anniversaire qui passera par l'Astrolabe, donc samedi soir. C'est gratuit, pas le concert, mais en tout cas la masterclass de 18h30 à la médiathèque. Je vous y retrouve. Il faut que je bosse, que j'aille bosser un peu ça en profondeur, mais j'ai déjà mes petites idées de questions. Alors posez, on va se terminer comme on a commencé avec les Pogues et avec Sean McGovern, avec ce morceau par lequel évidemment le monde entier l'a découvert et qui est devenu une sorte de classique instantané, d'abord en Irlande et partout dans le monde. Ciao Sean McGovern, bisous à tous ceux qui m'ont écouté ce soir de la Duduche à la Catou et à tous ceux que je ne cite pas mais qui sont derrière leur poste. Voici donc The Pogues avec Dirty Old Town et je vous retrouve la semaine prochaine. Normalement, si tout se passe bien, c'est pas moi qui contrôle la technique parce que je suis une brêle avec ça, mais normalement l'interview des Girls in Hawaii sera enregistrée, donc pour si vous ne pouvez pas venir, je le rediffuserai dans On The Rocks. C'est parti, The Pogues, Dirty Old Town, 1985, album Rum, Sodomy and the Lash, meilleur album des Pogues et meilleur album de Sean McGovern, quoi. Wet my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beams. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town. Dirty old town. Thank you.